vous êtes passionné de faits divers, vous avez visionné des centaines de fois l'intégrale des œuvres de Pierre Bellemare et vous êtes à court d'histoires sordides. Ne vous en faites plus, créez vos propres faits divers avec la collection « Petits outils pour gros dégâts ». Clé à molette, marteau, hachoir, avec la collection « Petits outils pour gros dégâts », c'est vous qui devenez le protagoniste de votre propre histoire sanglante. Vous élaborez vous-même le scénario de vos faits divers et alimentez la rubrique nécrologique autant de fois que vous le souhaitez. Le premier numéro, le couteau de cuisine et son manuel de découpe de corps humain, au prix exceptionnel de 99,99€ chez votre marchand de journaux. « Petits outils pour gros dégâts », une collection aïe aïe aïe. Ça va pas la tête ?